FSI French Revised, Unit 4, Tape 6. Grammar 4. Préposition. Chez, à la. Learning drills. Learning drill 1. Nous allons chez le boucher. Nous allons chez le boucher. Chez l'épicier. Nous allons chez l'épicier. Chez le pharmacien. Nous allons chez le pharmacien. Chez le boulanger. Nous allons chez le boulanger. Chez le marchand de légumes. Nous allons chez le marchand de légumes. Chez le cordonnier. Nous allons chez le cordonnier. Chez le crémier. Nous allons chez le crémier. Chez Monsieur Durand. Nous allons chez Monsieur Durand. Chez Madame Lelon. Nous allons chez Madame Lelon. Chez Mademoiselle Courtois. Nous allons chez Mademoiselle Courtois. Chez leurs amis. Nous allons chez leurs amis. Chez Janine. Nous allons chez Janine. Learning drill 2. Ils sont chez eux. Ils sont chez eux. Chez moi. Ils sont chez moi. Chez vous. Ils sont chez vous. Chez nous. Ils sont chez nous. Chez Janine. Ils sont chez Janine. Chez mon ami. Ils sont chez mon ami. Chez Monsieur Durand. Ils sont chez Monsieur Durand. Learning drill 3. Je vais à la boulangerie. Je vais à la boulangerie. À la pharmacie. Je vais à la pharmacie. À l'hôtel. Je vais à l'hôtel. À l'épicerie. Je vais à l'épicerie. À la bijouterie. Je vais à la bijouterie. À la crèmerie. Je vais à la crèmerie. À la boucherie. Je vais à la boucherie. À la pâtisserie. Je vais à la pâtisserie. Learning drill 4. Ils sont à la pharmacie. Ils sont à la pharmacie. Chez le pharmacien. Ils sont chez le pharmacien. À la boucherie. Ils sont à la boucherie. Chez le boucher. Ils sont chez le boucher. À la pâtisserie. Ils sont à la pâtisserie. Chez le pâtissier. Ils sont chez le pâtissier. À la boulangerie. Ils sont à la boulangerie. Chez le boulanger. Ils sont chez le boulanger. À l'épicerie. Ils sont à l'épicerie. Chez l'épicier. Ils sont chez l'épicier. À la crèmerie. Ils sont à la crèmerie. Chez le crémier. Ils sont chez le crémier. Practice drills. Practice drill A1. Tutor. Il va à la pâtisserie. Student. Il va chez le pâtissier. Il va à la crèmerie. Il va chez le crémier. Ils sont à la boucherie. Ils sont chez le boucher. Elle est à l'épicerie. Elle est chez l'épicier. Je vais à la blanchisserie. Je vais chez le blanchisseur. Il est à la bijouterie. Il est chez le bijoutier. Nous sommes à la boulangerie. Nous sommes chez le boulanger. Elle va à la teinturerie. Elle va chez le teinturier. Il va à la pâtisserie. Il va chez le pâtissier. Practice drill A2. Il va à la pâtisserie. Il va à la pâtisserie. Pâtissier. Il va chez le pâtissier. Gare. Il va à la gare. Boucher. Il va chez le boucher. Boucherie. Il va à la boucherie. Bijoutier. Il va chez le bijoutier. Blanchisseur. Il va chez le blanchisseur. Blanchisserie. Il va à la blanchisserie. Cordonnier. Il va chez le cordonnier. Boulangerie. Il va à la boulangerie. Teinturier. Il va chez le teinturier. Épicerie. Il va à l'épicerie. Épicier. Il va chez l'épicier. Practice drill A3. Tutor. Où va-t-on quand on veut du beurre? Student. Quand on veut du beurre, on va à la crèmerie. Où? Chez le crémier. Où va-t-on quand on veut de la viande? Quand on veut de la viande, on va chez le boucher. Où va-t-on quand on veut du pain? Quand on veut du pain, on va à la boulangerie. Où va-t-on quand on veut des gâteaux? Quand on veut des gâteaux, on va à la pâtisserie. Où va-t-on quand on veut de la crème? Quand on veut de la crème, on va chez le crémier. Où va-t-on quand on veut des légumes? Quand on veut des légumes, on va chez le marchand de légumes. Où va-t-on quand on veut acheter du sucre? Quand on veut acheter du sucre, on va à l'épicerie. Où va-t-on quand on veut acheter de la salade? Quand on veut acheter de la salade, on va chez le marchand de légumes. Practice drill A4. On achète du lait à la crèmerie. On achète du lait à la crèmerie. On fait du pain. On fait du pain chez le boulanger. On répare les chaussures. On répare les chaussures chez le cordonnier. On fait des gâteaux. On fait des gâteaux à la pâtisserie. On achète du sucre. On achète du sucre à l'épicerie. On fait nettoyer les costumes. On fait nettoyer les costumes chez le teinturier. On fait laver le linge. On fait laver le linge chez le blanchisseur. On achète des chemises et des chaussures. On achète des chemises et des chaussures au grand magasin. On achète les légumes. On achète les légumes chez le marchand de légumes. On achète de la crème. On achète de la crème à la crèmerie. On achète de la viande. On achète de la viande chez le boucher. On trouve des légumes. On trouve des légumes chez le marchand de légumes. Grammar 5. The verb aller. Learning drills. Learning drill 1. Nous allons en ville. Nous allons en ville. Je vais. Je vais en ville. Il va. Il va en ville. Elles vont. Elles vont en ville. Vous allez. Vous allez en ville. Ils vont. Ils vont en ville. On va. On va en ville. Nous allons. Nous allons en ville. Learning drill 2. Je ne vais pas au bureau. Je ne vais pas au bureau. Il ne va pas. Il ne va pas au bureau. On ne va pas. On ne va pas au bureau. Je ne vais pas. Je ne vais pas au bureau. Ils ne vont pas. Ils ne vont pas au bureau. Elle ne va pas. Elle ne va pas au bureau. Elles ne vont pas. Elles ne vont pas au bureau. Je ne vais pas. Je ne vais pas au bureau. Learning drill 3. Vous n'allez pas au magasin? Vous n'allez pas au magasin? À la gare? Vous n'allez pas à la gare? Au bureau? Vous n'allez pas au bureau? En ville? Vous n'allez pas en ville? Chez le cordonnier? Vous n'allez pas chez le cordonnier? À l'épicerie? Vous n'allez pas à l'épicerie? Au restaurant? Vous n'allez pas au restaurant? Au magasin? Vous n'allez pas au magasin? Learning Drill 4. Nous n'allons pas à Paris? Nous n'allons pas à Paris? Ils ne vont pas. Ils ne vont pas à Paris? Elle ne va pas. Elle ne va pas à Paris? Vous n'allez pas. Vous n'allez pas à Paris? Je ne vais pas. Je ne vais pas à Paris? Il ne va pas. Il ne va pas à Paris? On ne va pas. On ne va pas à Paris? Elles ne vont pas. Elles ne vont pas à Paris? Nous n'allons pas. Nous n'allons pas à Paris? Learning Drill 5. Allez-vous déjeuner? Allez-vous déjeuner? Vont-ils? Vont-ils déjeuner? Va-t-il? Va-t-il déjeuner? Vont-elles? Vont-elles déjeuner? Va-t-elle? Va-t-elle déjeuner? Allons-nous? Allons-nous déjeuner? Va-t-on? Va-t-on déjeuner? Allez-vous? Allez-vous déjeuner? Learning Drill 6. Les enfants vont-ils en vacances? Les enfants vont-ils en vacances? Votre amie va-t-elle? Votre amie va-t-elle en vacances? Votre ami va-t-il? Votre ami va-t-il en vacances? Vos amis vont-ils? Vos amis vont-ils en vacances? Vos amis vont-elles? Vos amis vont-elles en vacances? Votre sœur va-t-elle? Votre sœur va-t-elle en vacances? Votre frère va-t-il? Votre frère va-t-il en vacances? Janine va-t-elle? Janine va-t-elle en vacances? Les enfants vont-ils? Les enfants vont-ils en vacances? This is the end of tape 6, unit 4.